Bonjour tout le monde, je suis ici pour vous lire Weying et drogué à l'Anjan et au Médoc, une traduction de l'œuvre de Lie Bing nommée Weying is high on Lanjan and painkillers. Les tags sont Weying est à l'hôpital, mais il va bien. En anglais, il y a sweet, funny, flirting, kissing, happy ending, alternate universe, modern setting, hospital setting, no angst, swearing, translation. Donc, c'est une traduction que j'ai faite. Je ne vais pas lire le résumé parce que c'est un passage de la fic. Weying gémit. Pourquoi tout le faisait tant souffrir? Même les yeux lui faisaient mal, mais il les ouvrit quand même, de force. Il regarda le plafond éblouissant au-dessus de lui. Il se rendit compte qu'il était allongé. Il réalisa qu'il était allongé sur un lit dur, avec un oreiller plat. Il tourna la tête. Weying cligna des yeux. « Bordel de Dieu, qui c'est lui ?» Un homme était assis à son chevet, vêtu d'une chemise bleue claire, d'un pantalon beige et tenant un livre. L'homme était splendide. Genre aussi sexy qu'un top modèle. Le plus bel homme que Weying ait jamais vu. Avait-il bavé? Espérez que non. « Je suis drogué ou vous êtes vraiment, vraiment beau ?» demanda-t-il. L'homme posa son livre et sur son visage s'afficha une expression qui ressemblait presque à un sourire. Malgré la sensation d'avoir été percuté par un train récemment, Weying sourit. Les faibles étaient encore plus beaux quand il regardait Weying avec ses yeux scintillants comme le miel. Weying voulait le faire sourire encore et encore. « Je suis à l'hôpital ?» demanda-t-il encore. L'homme acquiesça. « Sous Médoc ?» Nouvel hochement de tête. « Pourquoi ?» « Tu as eu un accident. Il a fallu opérer. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Weying sourit. Il était sûr que l'homme dise la vérité. Bon sang, il était prêt à avaler n'importe quoi tant que ça sortait de ses lèvres délicieuses. « Je m'appelle Weying, et vous êtes ?» demanda Weying, mourant d'envie de connaître le nom de ce spécimen parfait. L'homme eut l'air légèrement amusé. « Qui penses-tu que je sois ?» demanda-t-il. Weying réfléchit un instant. « Un ange ?» « Essaye encore, » répondit l'homme en secouant la tête. « Un infirmier ? Un infirmier ravissant, un qui, j'espère, prévoit de m'aider à faire ma toilette avec une éponge plus tard ?» dit-il en souriant. L'homme secoua à nouveau la tête et consulta sa montre. « Tu es réveillé depuis à peine 5 minutes et tu as déjà retrouvé la totalité de tes capacités à flirter. Impressionnant. » Le sourire de Weying s'élargit. « Alors j'ai déjà flirté avec vous avant l'opération ?» « Ça ne m'étonne pas. Vous êtes vraiment sublime. Quand je pourrais me lever et fonctionner à nouveau normalement, accepteriez-vous de dîner avec moi ?» Le visage de l'homme s'attendrit à nouveau. « Je vais y réfléchir. »« Pouvez-vous me dire votre nom ?» dit Weying en souriant. « Tu ne t'en souviens pas ?» répondit l'homme en penchant la tête de côté. Weying secoua la tête. « Dans ma tête, je t'appelle mon agneau de l'hosto. » D'ailleurs, dans ma tête, on est beaucoup plus proches. Genre, vraiment très proches. Genre, on a instauré les mardis nus à la maison proche. Bon, ça suffit, soupira l'homme en se levant pour réordonner l'oreiller sous la tête de Weying. Weying inspira quand l'homme se pencha au-dessus de lui. Et en plus, vous sentez bon. Vous avez déjà un peu réfléchi à ce dîner? Tu ne connais même pas mon nom, répondit-il en exhalant un petit rire. « Juste un détail, mais je le saurai si vous me le dites, » tenta Weying. « Mon nom est Lanjan, » dit l'homme. « Oh, j'adore J'aime tout ce qui vous concerne. Je sais pas pourquoi, mais je sens une connexion entre nous. Vous la sentez pas, vous ?» L'homme s'attendrit encore en se rasseyant. Un médecin et une infirmière entrèrent dans la chambre, posèrent quelques questions ennuyeuses. Weying y répondit du mieux qu'il put, tout en gardant un œil sur Lanjan. Au cas où il chercherait à glisser entre ses doigts. Le seul aspect positif de cette visite fut que lorsqu'ils vérifièrent les blessures du côté gauche de Weying, il nota le regard avide de Lanjan sur sa poignée. « Vas-y, mon agneau de l'hosto, rince-toi l'œil, je t'aurai... » Lorsque les soignants, fastidieux et bien moins agréables à regarder que son Lanjan, furent convaincus qu'il n'était pas sur son lit de mort, Ils s'en allèrent et Wei Ying se tourna sur son flanc pour faire face à Danjan. Il se redressa sur un coude. Si vous êtes intéressé par un petit ami, peut-être que vous préférez un... Si vous n'êtes pas intéressé par un petit ami, peut-être que vous préférez un amant loyal ? Demanda-t-il plein d'espoir. Danjan s'étouffa et regarda autour de lui pour s'assurer qu'il était seul. Tu es inlassable, répondit-il en secouant la tête. Je dois tout tenter pour vous avoir. Imaginez que je me réveille et que vous ne soyez plus là. Je m'en voudrais pour l'éternité si j'avais pas tout essayé pour vous garder dans ma vie. Un nouveau regard doux venant de l'homme à ses côtés fit battre le cœur de Wei Ying. Si beau, murmura-t-il. Les oreilles de Danjan virèrent au rose. Wei Ying fondit. Oh mon Dieu, mais vous êtes encore plus beau. Comment c'est possible? Ah, s'il vous plaît, promettez-moi au moins une partie de jambes en l'air. Je vous jure qu'on m'a dit que j'étais un bon coup. Par qui? Interrogea Danjan en haussant un sourcil. Par des gens? Répondit Wei Ying en balayant le sujet d'un revers de main. Quels gens? Insista Danjan. Vous êtes jaloux? Vous ne voulez pas pour... vous me voulez pour vous tout seul? Demanda Wei Ying tout sourire. Tu as besoin de repos, répondit Danjan en ignorant la question. Non, je veux pas, récéclama Wei Ying comme un enfant capricieux, mais son corps le trahit d'un long bâillement. Danjan s'approcha et passa une main sur les longs cheveux noirs de Wei Ying. Dors pour moi, insista-t-il d'une voix apaisante. Alors promettez-moi d'être toujours là à mon réveil, murmura Wei Ying les paupières lourdes. Je te le promets, affirma Danjan. À son réveil, Wei Ying se tourna de côté et trouvera Danjan face à lui. « Vous êtes toujours là !» dit-il joyeusement en s'étirant. « Comment tu te sens ?» demanda Danjan avec un hochement de tête. « Ça va, un peu ankylosé. J'espère toujours que vous accepterez mon idée de plan cul, » répondit Wei Ying avec un instant de considération. Enfin, Danjan soupira en fermant les yeux. C'est marrant de vous taquiner, je pense que c'est sûrement mon activité favorite au monde. J'aimerais pouvoir le faire encore et encore, tant qu'on vivra tous les deux, dit Wei Ying en souriant de toutes ses dents. Danjan répondit quelque chose que Wei Ying ne saisit pas, mais il ne se laissait pas décourager. Ça va dans les deux sens, n'est-ce pas? Vous le sentez aussi, pas vrai? Je sais que je vous arrive pas à la cheville en termes de beauté, mais je me considère plutôt beau gosse. Wei Ying est un très bel homme, déclara Danjan d'un ton protecteur. Alors je vous attire. Il n'y a qu'une chose à faire, un mariage. C'est la seule voie acceptable pour nous deux. La simple idée que vous puissiez être avec quelqu'un d'autre augmente la douleur de ma blessure sur mon côté gauche, se plaignit-il en grimaçant une main sur la zone suturée. Danjan sauta de sa chaise et prit sa main libre en un instant. À quel point ça te fait souffrir? Demanda-t-il l'air inquiet. Plus trop maintenant, mais regardez la vitesse à laquelle vous avez accouru à mon secours, vous êtes clairement fait pour moi. Déjà si préoccupé par mon bien-être bon à marier, s'exclama Wei Ying tout sourire. Sois sérieux ou il y aura des conséquences, avertit Danjan agacé en lâchant sa main. Comment vous savez que j'aime être fini? Demanda Wei Ying les yeux écarquillés d'étonnement. Danjan, on dirait que vous avez été envoyé par le ciel rien que pour moi. Abrégez mes souffrances et dites-moi que vous consentez à être avec moi. Wei Ying, s'il te plaît, arrête de prévoir nos noces et repose-toi, implora Danjan. D'accord, céda Wei Ying, qui se sentait fatigué et endolori. Mais à mon prochain réveil, on discutera des mesures de nos costards. Au réveil suivant, tout semblait plus facile. Il ouvrit les yeux sans difficulté. Ses membres semblaient plus légers et... L'Apollon était toujours là. Merci Dieu. Alors, à propos des mensurations pour les costards, murmura-t-il. Tu ne te souviens de rien d'autre ? Interrogea Danjan avec espoir. Je me souviens que vous n'avez toujours pas accepté ma proposition, répondit Wei Ying après un instant de réflexion. Danjan se pinça l'arête du nez et marmonna dans sa barbe, comme quoi il était parfois difficile d'être marié. « C'est difficile d'être marié ?» s'étonna Wei Ying, alors qu'une pensée terrifiante serra son cœur. « Danjan, êtes-vous déjà marié ?»« Oui, » soupira Danjan. Comment c'est possible ?» demanda Wei Ying, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Comment c'est possible ?» pleurnira-t-il. « Wei Ying, écoute, » dit Danjan en s'approchant de lui. « Non !» s'exclama Wei Ying en secouant la tête et les yeux fermés. Il n'y a rien de plus à dire. Laissez-moi mourir ici. Ma vie n'a plus de sens. Dites aux soignants qu'ils peuvent donner tous les organes qu'ils voudront, sauf mon cœur brisé, qui ne sera plus bon pour personne. Fixant son regard triste sur les faibles à ses côtés, il demanda en sanglotant. Comment est-il, l'homme à qui appartient votre cœur ? Il est vraiment extraordinaire, répondit Lan Zhan sincèrement. Les sanglots de Wei Ying se firent plus violents. Lan Zhan soupira et déposa un baiser sur les lèvres de Wei Ying, puis recula. Wei Ying cligna des yeux et son visage s'illumina. Oh, c'est un mariage mal assorti. Vous allez le quitter pour moi, pas vrai ? Wei Ying l'embrassa à nouveau, puis posa son front contre celui de Wei Ying quand leurs lèvres se séparèrent. C'est avec toi que je suis mariée, Wei Ying, souffla-t-il tendrement. On est mariés ? S'étonna Wei Ying en état de choc. Bordel, l'Apollon de son agneau de l'hosto, ce dieu ambulant, était son mari, le sien, il pouvait le garder. Lan Zhan se redressa et caressa à nouveau les cheveux de Wei Ying régulièrement. C'était très apaisant. Wei Ying en profita. Wei Ying, rendors-toi. Peut-être qu'à ton réveil, tu te souviendras. Peut-être de moi. Suggéra-t-il. Wei Ying acquiesça et ferma aussitôt les yeux. S'il était effectivement marié à Lan Zhan, il voulait s'en souvenir. Il voulait s'en souvenir plus qu'il n'avait jamais voulu quoi que ce soit d'autre. Il garda donc ses yeux fermés malgré son envie de regarder Lan Zhan plus longtemps. Et il se força à s'endormir profondément. À son réveil, Lan Zhan lui tenait la main. Il regarda Wei Ying avec espoir. « Tu as mal ?» demanda-t-il. Wei Ying nia de la tête. « Et moi, tu te souviens de moi ?» questionna-t-il. Wei Ying sourit et porta la main de Lan Zhan à ses lèvres, y pressant un doux baiser sur la peau délicate. « Lan Zhan, mon doux Lan Zhan !» murmura-t-il, « comment j'ai pu t'oublier ?» Le visage de Lan Zhan s'illumina de ce presque sourire, maintenant familier de Wei Ying, mais qui fit quand même bondir son cœur dans sa poitrine. « Bon retour parmi nous !» déclara chaleureusement Lan Zhan. Wei Ying gloussia, puis siffla en sentant un élancement dans son flanc. Lan Zhan, se plaignit-il. Il y aura une autre cicatrice sur mon corps parfait pour le restant de. Il y aura une cicatrice sur mon corps parfait pour le restant de l'éternité. Tu m'aimeras toujours, même si je suis cabossée. J'aimerais toujours Wei Ying. J'aimerais deux fois plus le Wei Ying cabossé. Lan Zhan, tu peux pas être romantique. Oh, j'attends avec impatience que tu tiennes ta promesse, s'exclama Wei Ying. D'abord, tu dois récupérer. Après, je te promets d'embrasser chaque centimètre de ton corps si tu fais de ton mieux pour être remis d'aplomb aussi vite que possible. Wei Ying fit mine de zipper sa bouche et Lan Zhan retourna s'asseoir en sortant son téléphone pour lire des infos. Wei Ying se tourna de côté pour le regarder et lui tendit la main. Lan Zhan la prit dans la sienne et la serra sans lever les yeux de son téléphone. Gardant cette tendre connexion, Wei Ying s'autorisa à fermer les yeux et à glisser dans un sommeil profond. Une fois sorti de l'hôpital, 3 jours plus tard, Lan Zhan tint sa promesse et embrassa chaque centimètre du corps de Wei Ying en veillant à embrasser doucement la nouvelle cicatrice de son mari, 2 fois. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à aller déposer les kudos à Liye Bing, qui est un ou une auteur fantastique pour tout ce qui est douceur et tendresse. Si vous voulez la douceur et tendresse et que vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller lire ses fictions et surtout à lui laisser des kudos. Peut-être à une prochaine.